Chapitre 10e. Au moment où Emma achevait d'écrire cette lettre, on frappa doucement à la porte et Balbine entra. « Comment es-tu ? » dit-elle. « Épuisée de fatigue, mais forte d'espérance. Il part pour Château-Chinon. » Il désigna le marquis. « Et il va m'amener Denise. » Sans répondre, Balbine s'approcha du lit et se penchant sur la malade. « Otto, » dit-elle d'une voix basse mais assez distincte cependant pour que le marquis l'entendît, « demande à te voir. » « Tout à l'heure. » Balbine sortit, Emma mit l'adresse sur sa lettre et l'attendit au marquis qui la suivait des yeux. Aussitôt, celui-ci se leva. « Tu pars ?» demanda la comédienne. « N'attend-on pas mon départ ?»« Tu as entendu Balbine ?»« Oui. Tu connais Otto ?»« Le gymnasiarque du cirque ?» Elle fit un signe affirmatif. « Je l'ai vu, il est d'une souplesse à faire peur. » Elle parut fière de cet éloge et son œil lança un éclair. « Je compte prendre demain l'express qui doit partir vers 11 heures, » dit le marquis. « Mais avant, je viendrai savoir de tes nouvelles. Maintenant, un mot sur d'autres sujets, je te prie. Tu m'as dit tout à l'heure que tes affaires étaient en désarroi. » Disant cela, il prit un carnet dans sa poche et en tira un billet de 1000 francs qu'il plaça tout plié sur le buvard en l'appuyant avec l'encrier. Puis revenant vers le lit, « À demain. Sois bien certaine que tes paroles ne sont pas tombées dans un cœur insensible. » En traversant la salle à manger, le marquis la trouva à peu près vide. Il n'y vit plus que les deux joueurs qui n'avaient pas quitté leur guéridon. Balbine, étendue sur un fauteuil, et devant la table encombrée de bouteilles, de verres, de débris de toutes sortes, et de serviettes jetées çà et là, un jeune homme qui buvait dans un grand verre un mélange de cognac et d'eau. Il paraissait avoir 20 ans à peine. Une petite moustache marquée d'une ligne brune et sa figure imberbe et pâle. Otto, le gymnasiarque, qui en ce moment était une sorte de célébrité, au moins dans un certain monde. Posant son verre sur la table, il regarda curieusement le marquis. Puis reprenant son verre et le vidant d'entrée, il entra dans le salon. Balbine était venue au devant d'Arthur. Elle voulut l'accompagner jusqu'au rez-de-chaussée, le gaz étant éteint dans l'escalier. Il était 2 heures du matin quand il se trouva dans la rue. Par les boulevards déserts, il gagna les Champs-Élysées. La fraîcheur de la nuit lui fit du bien. Il se mit à marcher à grands pas pour se secouer, respirant à plein poumon pour chasser l'air étouffant qu'il venait de respirer. Et quoi ? La femme qu'il venait de voir était la même que 10 ans auparavant. Il l'avait quittée, pleine de beauté au milieu du luxe, enviée, désirée, adorée. Bien qu'il eût longtemps pratiqué la vie parisienne, une pareille métamorphose le stupéfiait. Comment, de chute en chute, avait-elle pu en venir à être la maîtresse de ce saltimbanque qui l'avait ruiné ? Quel âge avait-elle donc ? Comme lui, 45 ans. Quelle misère que celle des femmes qui ne savent pas vieillir. Elle avait tout sacrifié. Sa fortune, qui sans être grande, était convenable. Sa vie, tout jusqu'à sa fille. Cet enfant allait rester seul, sans un sou, sans famille, sans personne pour lui tendre la main, que les amis présents de sa mère. Et si cet enfant était sa fille à lui, si elle était son sang ? Il ne se coucha point. Il passa la nuit à arpenter sa chambre, cherchant dans sa mémoire un indice quelconque. Un fait matériel, un souvenir, qui puisse l'éclairer. Mais rien. Sa mémoire restait muette. Quand Emma lui avait pour la première fois parlé de sa grossesse, plein de confiance en elle, il n'avait point contrôlé ses paroles. Comment le faire maintenant ? Le train qu'il devait prendre pour Nevers ne partait qu'à 11 heures. À 9h30, il se présenta rue Le Pelletier. Une femme de chambre endormie vint lui ouvrir la porte et, dans la salle à manger, il retrouva le gâchis qu'il avait laissé en sortant à 2 heures du matin. Une odeur suffocante de fleurs fanées, de fumée de tabac, de cognac, de vin et de nourriture le prit à la gorge. Vivement, pour échapper à ce dégoût, il entra dans le salon où Balbine, qu'il avait entendu, vint le rejoindre. Emma dormait ou tout au moins, elle était plongée dans un engourdissement profond qui peu à peu avait succédé à son agitation fiévreuse. Comme il avait du temps devant lui, il en profita pour faire causer Balbine, ce qui d'ailleurs fut facile. C'était la phtisie qui tuait Emma. Il y avait 1 an que le mal, qui existait depuis longtemps, avait éclaté d'une façon dangereuse. Avec des soins, avec une vie tranquille, surtout avec le calme, il eût pu être arrêté. Mais précisément, à cette époque, elle s'était prise d'une véritable passion pour Otto. Celui-ci venait de débuter avec un succès étourdissant. Les femmes se le disputaient. Il avait fallu l'emporter sur de nombreuses rivales. Alors avait commencé pour Emma une existence de lutte et de fièvre, qui l'avait rapidement épuisée. Puis étaient venues les difficultés d'argent qui l'avaient achevé. « À propos d'argent, » dit Balbine avec embarras, J'aurai une prière à vous adresser. Si vous voulez bien venir en aide à Emma, ne remettez pas entre ses mains l'argent que vous lui accordez. Il vaut mieux le donner à Rose, qui est fidèle à sa maîtresse et qui saura défendre cet argent pour l'employer utilement. C'est le seul moyen d'éviter des scènes pénibles comme il y en a eu une hier après votre départ. Ah, monsieur Otto, votre billet n'a même pas été changé. Il est parti d'ici tel que vous l'aviez donné, un peu fripé seulement. Alors je dois le remplacer. Et le marquis, qui avait toujours la main ouverte, tira de son carnet un nouveau billet qu'il remit à la femme de chambre qu'on avait été chercher. De Paris à Nevers, il fit la route rapidement, mais le chemin de fer le déposait là. Ensuite, il fallait prendre une voiture pour aller à Château-Chinon, 60 kilomètres dans un pays accidenté où les côtes succédaient aux côtes. Il était minuit lorsqu'il arriva à Château-Chinon. Ce n'était point une heure convenable pour aller chercher Denise à sa pension. Malgré son empressement, il dut donc attendre au lendemain matin. Dès 7 heures, il se fit conduire par un garçon de l'hôtel devant la maison qu'occupait Mademoiselle Davin. Cette maison, située dans le haut de la ville, était de médiocre apparence, pour ne pas dire plus. Un petit mur sur la rue et une porte bâtarde au-dessus de laquelle on lisait en lettres à demi effacées « Pensionnat de jeunes demoiselles ». Par-dessus ce mur, on apercevait les fenêtres d'un corps de bâtiment qui venait, en retour d'équerre, s'appuyer sur la rue. La porte n'étant que poussée, le marquis entra et se trouva dans une petite cour sablée d'un gros gravier qui roulait sous les pieds. Une femme de service traversait cette cour. Le marquis l'arrêta. « Mademoiselle Davin, elle n'est pas encore levée, rapport à sa migraine. Je vais l'aller éveiller. » « En attendant, ne puis-je pas voir Mademoiselle Denise Lajolet ? Pour ça, oui. Elle est précisément là en train de laver les petites. Où cela ?» La femme de service indiqua de la main une fenêtre au rez-de-chaussée. Vivement, le marquis s'approcha de cette fenêtre fermée et regarda à travers les carreaux en écartant des branches de vigne. Dans une espèce de buanderie encombrée de cuves, de baquets et de tréteaux, 5 ou 6 petites filles de 8 à 10 ans n'ayant pour tout vêtement qu'un jupon sur leur chemise couraient ça et là, tandis qu'une grande jeune fille de 15 ans, les bras nus, pompait de l'eau dans un baquet. « Où donc est Mademoiselle Denise ? » dit-il en se retournant vers la femme de service. « Celle qui pompe, donc. Pour l'or, vous ne la connaissez pas ?»« Denise. » C'était Denise qui servait de domestique à ses enfants. « Faut-il l'appeler ?» demanda la femme en avançant vers la buanderie. « Non, je vous remercie. Allez prévenir Mademoiselle Davin que je l'attends. » Et tandis qu'elle s'éloignait d'un pas lent et traînant, il revint à la fenêtre. Sa fille ? Était-ce là sa fille ? Qu'avait-elle de lui ? Il regarda. Emma avait dit vrai. Denise était belle. Une tête d'une régularité idéale, des grands yeux, une carnation magnifique, des cheveux blonds admirables. Ce furent ses cheveux qui tout d'abord le frappèrent. Ils étaient restés tels qu'autrefois. Blonds. Lui était brun. Elle n'avait pas bruni depuis sa première enfance. Par là, elle ressemblait à sa mère. Mais à lui, par quel côté lui ressemblait-elle ? Où était cette ressemblance qu'Emma avait si franchement affirmée ? Il chercha avec une angoisse qui arrêta les mouvements de son cœur. Le baquet rempli, Denise avait trempé une éponge dans l'eau et elle s'occupait à débarbouiller les petites filles les unes après les autres, frottant vigoureusement mais avec précaution cependant. À la voir, on sentait qu'elle avait l'habitude de cette besogne. Mais ce n'était point ce qu'elle faisait que regardait le marquis, c'était ce qu'elle était elle-même. Oui, par son apparence de santé, par l'ovale de sa figure, par la forme de ses yeux, elle se rapprochait de lui jusqu'à un certain point. Mais par combien de côtés ne s'en éloignait-elle pas ? N'ayant pas l'habitude de se contempler lui-même dans une glace, il se connaissait assez mal. Ah, s'il avait eu là un miroir, comme il y aurait couru pour voir et comparer. À ce moment, une des petites filles l'aperçut derrière son carreau et le montra à Denise. Celle-ci alors leva les yeux sur lui. Ce regard l'éblouit comme un éclair, son cœur bondit. Une voix le tira de son émotion, c'était Mademoiselle Davin qui arrivait dans la cour.